Juan descendit vers l'onde souterraine. Et lorsqu'il eut donné son obole à Charon, un sombre mendiant, l'œil fier comme Antisthène, d'un brave vengeur et fort saisit chaque aviron. Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, des femmes se tordaient sous le noir firmament, et comme un grand troupeau de victimes offertes, derrière lui traînait un long mugissement. Scanarelle en riant lui réclamait ses gages, tandis que Don Luis avec un doigt tremblant montrait à tous les morts errant sur les rivages le fils audacieux qui railla son front blanc. Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire, près de l'époux perfide qui fut son amant, semblait lui réclamer un suprême sourire où brilla la douceur de son premier serment. Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre se tenait à la barre et coupait le flot noir, mais le calme héros courbé sur sa rapière regardez le sillage et ne daignait